Je vous montre des objets, vous allez me dire comment ça s'appelle. Des orangs de disquets d'or en trao, à rue lundi, peut s'en rendre de zé. Des orangs de disquets d'or en trao, à rue lundi, peut s'en rendre de zé. La clé. Pousseau. Naoul. Le verre. Esso. Reveren. Esso. Reveren. La montre. Esso. Un orio. Esso. Un orio. Les lunettes. Esso. Arlunedou. Esso. Arlunedou. Le téléphone. Esso. Orpel Gamzer. Esso. Orpel Gamzer. Le peigne. Esso. Au bronze. Esso. Au bronze. Les ciseaux. Esso. Argigle. Esso. Argigle. Le rasoir. Esso. Au rasoir. Esso. Au rasoir. L'enveloppe. Esso. Argolo lisir. Esso. Argolo lisir. Le crayon. Esso. Un grain. Esso. Un grain.